Comment se délivrer de l'urgence? Quand nous faisons l'expérience de l'urgence, l'expérience d'une urgence, quelle qu'elle soit, nous avons un double sentiment d'enfermement, en quelque sorte. D'abord, dans un danger objectif, quelque chose qui tombe sur nous et à quoi il faut répondre par un geste du corps, un recours à d'autres humains, un recours à des institutions qui peuvent permettre d'écarter le danger, mais aussi le sentiment que plus rien n'a d'importance, que nous sommes enfermés temporellement dans le cercle de l'urgence. Eh bien, d'une certaine façon, ce double sentiment nous donne aussi le critère de ce qui nous libérera des urgences. Ce n'est pas simplement le fait d'échapper au danger, de l'avoir repoussé, de l'avoir contenu, ce qui est absolument nécessaire pour vivre humainement. C'est aussi le fait d'être plongé dans une expérience où l'on n'est plus obsédé par le temps en tant qu'il vient nous rappeler toujours la menace de la mort, le temps qui passe, le cadre temporel, même simplement cette urgence de profiter de la vie que certains entendent dans le mot d'ordre épicurien « profite de l'instant ». Profite de l'instant en principe. Carpe diem, saisis l'instant, c'est pour nous faire oublier l'urgence, mais dès qu'on y pense, ça devient obsessionnel. Profite de ce moment, prends-le en photo, profite de ce moment de bonheur, il n'est pas éternel, il est éphémère, il va disparaître, mais c'est quand nous y pensons qu'il disparaît. Bien sûr, il disparaîtra, mais si nous y pensons, il disparaît dès maintenant, il disparaît en quelque sorte à l'avance, au moment où nous y pensons, pour être délivré de l'urgence. Il faut donc non seulement repousser les dangers vitaux qui nous menacent réellement parfois, mais aussi avoir des expériences temporelles sans l'obsession du temps. Et ces expériences temporelles délivrées de la pensée explicite du temps, ce sont des expériences non seulement heureuses, peut-on penser, mais aussi créatrices. Ce sont des expériences où l'on voit surgir quelque chose de nouveau dont nous oublierons peut-être la précarité pendant un instant au moins. Le nouveau-né, la rencontre, la lumière du matin ou du soir d'ailleurs. Ces expériences de la nouveauté qui nous font oublier qu'elles sont situées dans un cadre temporel parce que le temps s'y révèle à travers un contenu, à travers un geste, à travers un mot, à travers une découverte. Et d'une certaine façon, se délivrer de l'urgence est indispensable pour répondre à l'urgence. Si nous sommes tout le temps obsédés par des urgences individuellement ou collectivement, nous n'aurons plus la capacité même d'y répondre. Le but de répondre aux urgences, c'est justement d'y échapper. Et il ne faut pas non plus que l'échappement aux urgences, l'échappement à une possible dictature de l'urgence, conduise à un déni des urgences. Car les urgences existent, mais la liberté par rapport aux urgences existe aussi. Se libérer des urgences, ce n'est pas y échapper complètement dans un monde idéal, dans un instant parfait, le carpe diem ou l'éternité absolue, l'éternel retour qui supposément nous fait échapper au danger de vie et de mort. Il faut concilier dans nos vies, au contraire, la pression de l'urgence et la délivrance par rapport à l'urgence qu'il nous faut partager aussi avec les autres, qu'il nous faut aider ceux qui sont dans les urgences pour leur permettre de vivre malgré tout.